Je me sens seul dans mon monde, seul dans mon délire. J'ai brisé les chaînes, déchaîne l'inspi avant d'être ivre. Quelle vie incroyable, destin imprévisible. J'ai monté les étages malgré le vertige. Je suis toujours incompris, j'ai l'état d'âme d'un artiste. Enfermé dans ma bulle, je traverse les époques comme Will Smith. Je lève mon verre à vous tous pour tuer l'ennui. Et je trinque avec Calu car je me reconnais en lui. Et les yeux rivés vers les étoiles, je cogite, je gravite autour de ma vie. Je rappe dans les temps tout en étant en orbite. Je vise l'or, oui, j'ai assez mangé de pierre. J'attends que la vie m'épargne avant d'être sous. Laissez-moi seul dans mon seul. De devoir me justifier. Soit tu follow, soit tu peux aller voir ailleurs si j'y suis, ouais. Je peux te raconter ma vie de façon t'en as déjà eu. Des histoires, des galères, à mon avis t'en as déjà eu. Je peux révolutionner le monde à cette heure si c'est clair. Mais peut-être qu'ensemble, ouais, on pourra le faire. Je ne me prends pas pour quiconque. Je suis juste un grain de poussière qui pense, qui ressent des émotions parfois difficiles à gérer, qui chiale au bout du rouleau, qui peut péter des câbles, qui aime taper des barres, qui est peut-être un peu fêlé. Oui, je suis rempli de défauts et j'ai du mal à reconnaître mes qualités aux yeux des autres. S'envolent quand je dis la vérité. Laissez-moi seul dans le centre.